Il est midi. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'un mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. De mes amis qui ont pas la grippe cette année. Tous les magasins de Kingston, ils font de l'argent comme de l'eau. Des mouchoirs, c'est à douzaine pour ceux qui ont le rhume de cerveau. Tilida, hitcha, tilia dilididam, tilida, hitcha, tilia dilididam, tilida, tilia dilididam, tilia dam dilidouli, tilia dam dilidoum, tilia didam. Ça commence par un frisson, puis ensuite vous éternuez. Là, vous l'avez pour de bon, c'est le temps de vous faire soigner. Un petit gin, puis du citron, avec ça vous allez suer. Évitez les courants d'air pour pas mourir, les pattes en l'air. Tirida, hachou, tirida, dilididam, tirida, hachou, tirida, dilididam, tirida, hachou, tirida, dilididam, tiridam, dilidam, dilidam, tiridam, dilididou. Si vous venez qu'à empirer, frottez-vous avec de l'huile camphrée. Si vous avez mal au cœur, prenez une ponce de painkiller. Si vous avez peur de la mort, prenez une dose d'huile de castor. Avec tous ces conseils-là, vous aurez pas l'influenza. Tirida, achou, tirida, dilididam, tirida, achou, tirida, dilididam, tirida, achou, tirida, dilididam, tiridam, dilididam, dilididididididum. Moi pis mon mari, on est allé faire du ski. Puis rendu au Mont Tremblant, il faisait froid, c'est effrayant. J'avais la face comme une forçure, puis le bout du nez, je l'ai dur. Je vous dis que c'est pas rose quand on a un brin des noses. Tilida, tchou, tilida, dilididam, tilida, tchou, tilida, tchou, tilida, dilididam, tilidam, dilidididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid

bonjour. Nous sommes le premier jour du printemps et comme confiné comme vous, je ne ferai aucun commentaire. Il est midi et le moment est venu d'écouter sur Radio Campus Angle d'Attaque, une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Pour vous servir, Florent, maître du temps, Didier, le novelliste, René Lascience et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? D'une question mondiale, on pourrait dire globale et cruciale. On va parler de notre planète, comment elle est peuplée et de combien. On aura compris que nous allons parler de démographie, mais pas seulement. On aura besoin d'éclaircissements par la géographie et même peut-être l'économie. Ça tombe bien, notre invité du jour est justement les trois, démographe, géographe et économiste. Il est professeur à Sorbonne Paris Nord, à l'Institut de géographie. Il est auteur de nombreux ouvrages, dont notamment « Géographie des populations, concept dynamique prospective » chez Armand Collin en 2018. Il est le directeur de la revue Population et Avenir. Notre invité est Gérard-François Dumont. Nous sommes très honorés de sa présence dans notre émission. Bonjour, professeur Dumont. Bonjour et merci de votre accueil. C'était la moindre des choses. On avait besoin d'une compétence rare dans le domaine en plus. Didier va vous poser une première question qui le questionne de longue date. Oui, bonjour professeur. Donc une question, j'ai sous les yeux le numéro de manière de voir qui s'intitule « La bombe humaine », donc qui laisserait penser qu'il y a un problème de surpopulation ou tout au moins de croissance démographique trop rapide, même si les articles qui sont dans ce numéro vont pas vraiment dans le même sens. Bon, je vais pas rappeler les chiffres. Avec les projections de l'ONU qui parlent de carrément 11 milliards d'habitants d'ici 2100. Ce que je voulais simplement vous demander, c'est si vous croyez, enfin vous pensez qu'il y a vraiment une tension démographique et un problème lié à la surpopulation. Alors effectivement, la population dans le monde a augmenté en gros depuis deux siècles de façon extrêmement significative, hein, jusqu'à parvenir au chiffre de 7 milliards, un peu plus aujourd'hui. Mais en fait, c'est le résultat d'un certain nombre de progrès faits par l'humanité, et tout particulièrement de l'augmentation de l'espérance de vie. Il faut se rappeler qu'à deux siècles, il y a deux siècles, l'espérance de vie à la naissance était d'environ 32 ans, qu'aujourd'hui, dans des pays comme la France, nous avons dépassé heureusement les 80 ans, même si la pandémie est en train d'abaisser malheureusement l'espérance de vie. Et donc, nous sommes dans une situation où, quand vous augmentez l'espérance de vie, eh bien, nous restons chacun d'entre nous, en moyenne, plus longtemps locataires sur la Terre. Alors, cette croissance démographique, elle s'explique, je le disais, par les progrès de l'humanité. Alors les progrès d'abord en matière d'alimentation. Bon, le meilleur exemple, c'est sans doute celui de l'Inde. Hein. Lorsqu'on regarde les articles des années 1950 concernant le sous-continent indien, on nous explique qu'il va y avoir des sous-alimentations absolument épouvantables et donc que l'Inde va connaître une surmortalité terrible. Et parce que l'Inde ne sera pas capable de nourrir sa population. Et ce qu'on conseille à l'Inde, c'est en fait de construire des ports pour pouvoir recevoir de l'extérieur des produits alimentaires afin de nourrir sa population. Or, ce n'est pas du tout ce scénario qui s'est déployé. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de pauvreté en Inde et qu'il n'y a plus de sous-alimentation en Inde. Simplement, le pourcentage de la population indienne sous-alimenté a considérablement diminué parce que l'Inde a augmenté considérablement ses productions alimentaires et l'Inde est même devenue un pays exportateur de produits alimentaires. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu effectivement un progrès technique tout à fait considérable, une amélioration du savoir-faire des populations travaillant dans l'agriculture. À cela se sont ajoutés, bien entendu, les progrès pharmaceutiques et les progrès médicaux. Les antibiotiques, par exemple, qui se sont développés à partir des années 1950, ont été une avancée considérable dans la lutte contre les maladies. Et c'est la suite, évidemment, de la création de très nombreux vaccins. Bon, la date essentielle de création des vaccins, c'est en fait 1798, c'est-à-dire l'année où l'anglais Edward Jenner publie un livre pour expliquer comment il a réussi à créer le vaccin contre la variole qui va engendrer donc une baisse considérable de la mortalité. Alors nous en arrivons à la situation d'aujourd'hui et je voudrais peut-être répondre par une image à votre question. Effectivement, il se pourrait que la population dans le monde atteigne 9 milliards, 10 milliards dans les prochaines décennies. Ceci ne sera d'ailleurs possible que s'il y a poursuite d'une augmentation de l'espérance de vie et que les conditions de l'humanité soient suffisamment bonnes pour permettre cette augmentation de la population. Cette augmentation de la population, elle serait d'abord le résultat d'un ralentissement considérable, hein, c'est-à-dire qu'on est en fait en décélération démographique. Ceci s'illustre à travers un seul chiffre que je voudrais rappeler. Lorsque nous sommes en 1950, en moyenne dans le monde, il y a 5 enfants par femme. Donc en moyenne dans le monde, une femme a 5 enfants en 1950. Aujourd'hui, nous en sommes à 2,4 enfants par femme, tout simplement parce que les populations ont adapté leur niveau de fécondité à l'amélioration des taux de survie de leurs enfants. Donc revenons à cette projection à 9 ou 10 milliards d'habitants. Et supposons donc que ces 10 ou 11 milliards d'habitants, on souhaite les obliger à aller habiter uniquement aux États-Unis. Autrement dit, on demande à tous les Asiatiques, qui représentent la moitié de la population du monde, d'aller habiter aux États-Unis. On demande à tous les Européens d'aller habiter aux États-Unis. On demande à tous les Africains d'aller habiter aux États-Unis. D'aller habiter dans les mégapoles, dans les... Tous les ressortissants, vous allez voir. On demande à tous les ressortissants d'Amérique latine d'habiter aux États-Unis. Et puis j'ajoute aussi les Canadiens. Donc vous voyez, il n'y a aucun habitant sur Terre en dehors des États-Unis. Et alors là, me direz-vous, mais c'est ce que vous venez de dire, mais ça va faire une mégapole absolument énorme aux États-Unis. Or, en réalité, la densité des États-Unis à ce moment-là serait inférieure à la densité actuelle de la région Île-de-France. Région Île-de-France, qui est effectivement la région la plus peuplée de France, mais qui suffit de parcourir pour se rendre compte qu'elle a d'immenses zones agricoles. Donc vous voyez que tout est relatif en réalité, et qu'il ne faut pas raisonner sur les chiffres, mais qu'il faut raisonner sur les réalités locales. Donc nous sommes en forte décélération démographique, conformément d'ailleurs à la transition démographique. L'avenir n'est pas écrit parce que tout est possible. La meilleure preuve, c'est que la pandémie Covid-19 introduit une rupture qui remet en cause toutes les projections démographiques, puisqu'elle se traduit à la fois par la surmortalité et par une baisse de la natalité qui s'accentue, et donc par une avancée plus rapide dans la transition démographique. Alors, d'accord. La transition démographique, c'est peut-être un concept qu'il faudra expliquer, non ? Oui, bien sûr. Alors, la transition démographique, c'est un concept dont l'intitulé est d'ailleurs imparfait, si vous voulez, parce que le mot transition, c'est un peu un mot qu'on met à toutes les sauces. Et effectivement, quand un journaliste ne sait pas expliquer un phénomène, il explique que tel pays est en transition ou que telle politique économique est en transition. Et dans une certaine mesure, on est obligé de constater qu'aujourd'hui, ce jour où nous parlons, nous sommes en transition entre hier et demain. Mais la transition démographique, ça correspond à une définition extrêmement précise. C'est une période pendant laquelle une population change de condition démographique, c'est-à-dire passe d'un régime de natalité, de mortalité très élevée, à un régime de natalité et de mortalité nettement abaissé. Pourquoi ? Parce que avant la transition démographique et jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la mortalité dans le monde est extrêmement élevée. Je rappelle quelques données. Sur 4 enfants qui naissent, il y en a au moins un qui meurt avant l'âge de 1 an. Et sur ces 4 nouveau-nés, il y en a un second qui va mourir avant d'atteindre l'âge adulte, au minimum. Donc quand des parents ont 4 enfants, au mieux et en moyenne bien sûr, simplement 2 d'entre eux vont pouvoir atteindre l'âge adulte. Et donc, dans ces conditions épouvantables de surmortalité que l'humanité a connues jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, la réponse des populations, c'est d'avoir aussi une natalité très élevée pour pouvoir assurer le remplacement des générations. Donc, on est dans une situation où, si vous voulez, si nos ancêtres, pour le dire autrement, si vous voulez, en fait, nous sommes tous des descendants de familles nombreuses. Tout simplement parce que si nos ancêtres n'avaient pas eu des familles nombreuses, ben l'humanité aurait tout simplement disparu. Arrive donc la transition démographique, c'est-à-dire ces progrès que j'ai résumés tout à l'heure, un progrès en matière de progrès technique, amélioration bien sûr des réseaux, réseaux d'eau potable, réseaux d'épuration, etc. Et puis aussi progrès technique qui diminue la fatigue des personnes et qui diminue donc la morbidité. Hein. Il faut toujours rappeler que, par exemple, le chemin de fer n'a pas été inventé pour transporter des passagers, mais il a été inventé pour transporter le charbon à la sortie des mines, ce qui a quand même allégé le travail des mineurs. Vous me direz, le travail des mineurs est resté quelque chose de très difficile, mais au moins le transport du charbon à la sortie des mines n'a plus besoin d'être transporté par les humains sur leur dos. Et donc, à ce moment-là, vous avez donc la mortalité qui se met à baisser, grâce à tous les progrès que je viens d'évoquer, l'espérance de vie qui se met à augmenter. Et la transition démographique, c'est plus simple, en fait, que le Tour de France, c'est-à-dire elle ne comporte que deux étapes, alors que le Tour de France en comprend une vingtaine en général. Voilà. Alors, la première étape, c'est l'étape pendant laquelle la mortalité diminue considérablement, grâce aux progrès que j'ai rappelés. Et en revanche, la natalité reste élevée, parce que les populations n'ont pas encore réalisé que le taux de survie de leurs enfants s'est considérablement amélioré. Donc en conséquence, une natalité élevée par rapport à une mortalité qui baisse, ça engendre une augmentation importante de la population. C'est la première étape de la transition démographique. Dans la seconde étape de la transition démographique, les évolutions sont fondamentalement différentes. D'une part, certes, la mortalité continue de baisser, mais beaucoup plus lentement, pour une raison bien simple. Quand vous avez abaissé votre mortalité infantile de 75%, vous pouvez encore faire des progrès, améliorer le suivi des femmes enceintes, faire en sorte que les conditions au moment de la naissance soient médicalement mieux faites, mais vous ne pouvez progresser au mieux que de 25% alors que vous avez progressé de 75%. Donc la mortalité continue à baisser, mais évidemment à un rythme moins. En revanche, la natalité se met à baisser considérablement, puisque nous sommes dans une situation où les populations ont compris que si elles veulent le couple qui veut avoir deux de ses enfants qui deviennent adultes et qui donc leur survivent, il n'a plus besoin d'avoir 4 ou 5 naissances. Il sait que 2 naissances, en gros, vont suffire. Et donc, il diminue sa fécondité. Et donc, dans la deuxième étape de la transition démographique, eh bien, nous sommes dans une situation où la natalité diminue beaucoup plus vite que la mortalité, et donc la croissance de la population diminue. Alors en moyenne mondiale, même si la moyenne mondiale a un sens relatif par rapport aux réalités des pays, la seconde étape de la transition démographique, elle a commencé à la fin des années 60. Donc autrement dit, si vous voulez, de la fin du XVIIIe siècle à la fin des années 60, un rythme relativement lent, le taux moyen de croissance de la population dans le monde a augmenté, et depuis la fin des années 60, il diminue, c'est ce que j'ai appelé la décélération démographique. N'hésitez pas à me questionner davantage, oui. Je n'ai pas été assez clair sur l'explication de la transition. Je pense que cette explication est très claire. On va peut-être se servir de la transition démographique pour une deuxième partie et analyser les continents, mais Didier a une autre question à vous poser. Oui, une deuxième question qui concerne donc la démographie dans son, disons, sur le champ, dans le champ intellectuel, sur sa prise en charge. Enfin, moi, je me souviens, dans les années 60-70, il y a eu quand même des travaux comme les rapports Meadows, comme les travaux du Club de Rome. Il y a eu des penseurs comme Jacques Ellul, André Gorz, Ivan Illich, même si c'était plus sur les questions d'économie, de décroissance. Il y a aussi eu une écoféministe comme Françoise Debonne, des publications qui étaient peut-être marginales, mais quand même lues, comme Charlie Hebdo et, ou La Gueule Ouverte. Enfin, c'était l'époque où on parlait quand même beaucoup de démographie et de surpopulation. Alors que, bon, depuis les années 80 au moins, c'est un sujet dont on parle peu. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que vous avez partagé cette analyse? Alors, en réalité, les noms que vous avez cités étaient tout à fait justifiés. Mais en fait, le nom le plus important, c'est-à-dire celui qui a fait répandre cette idée de surpopulation, c'est surtout un Américain qui s'appelle Paul Ehrlich, qui a publié dans les années 60 un livre qui s'appelait « La bombe P ». Et donc, il expliquait dans ce livre tous les malheurs qui allaient arriver à notre planète en raison du trop grand nombre d'habitants avant l'année 2000. Alors, ça, il a fait sa fortune avec ce livre qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, traduit dans pratiquement tous les pays du monde. Et d'ailleurs, il est encore en vie, ce que je ne comprends pas très bien d'ailleurs, parce que si les malheurs qu'il avait annoncés étaient arrivés, il ne serait plus en vie, bien entendu. Excusez-moi de... d'en parler ainsi, mais c'est que j'ai eu des débats avec lui qui étaient assez surréalistes dans la mesure où il y a un refus, si vous voulez, de reconnaître ses erreurs, parce que si on lit le livre aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'est totalement trompé, alors qu'il a exercé un rôle considérable en faisant croire qu'il y avait cette notion de surpopulation avait une valeur, alors qu'elle n'a pas de valeur par définition. Dans la mesure où les réalités démographiques sont des réalités locales. Et donc, on ne peut pas comparer la situation démographique de tel pays à tel autre en les considérant comme semblables. Donc, vous pouvez prendre, par exemple, deux pays qui ont le même poids démographique. En réalité, vous allez constater, si vous les étudiez d'un point de vue démographique, qu'ils sont fondamentalement différents parce que leur densité est différente, parce que le taux de mortalité est différent, parce que l'espérance de vie est différente, etc. Donc la réalité démographique, elle est locale, de même que comparer la situation démographique dans le département du Nord et dans le département de la Lozère, en les additionnant comme si elles étaient semblables, ça n'a pas de sens, parce que la dynamique démographique du département du Nord est fondamentalement différente de celle du département de la Lozère, pas seulement en termes de densité, mais également en termes de dynamique naturelle comme de dynamique migratoire. Donc clairement, il y a eu, vous avez tout à fait raison de le rappeler. Alors, que se passe-t-il? Si on se met dans la longue durée, dans l'histoire, on a toujours eu à des périodes historiques, des intellectuels, je vais mettre ça entre guillemets, qui ont alerté sur le risque de surpopulation. C'est un phénomène extrêmement ancien, on le trouve déjà chez Platon, il y a 25 siècles. Vous voyez Platon qui s'inquiète de la surpopulation à Athènes et qui explique quelle politique il faut conduire pour empêcher la surpopulation à Athènes. Il y a à peu près 5000 habitants à l'époque, vous voyez, à Athènes. Et ainsi, si vous voulez, on retrouve au fil de l'histoire, évidemment il y a Malthus à la fin du XVIIIe siècle, c'est cette crainte de la surpopulation qui, en fait, consiste à faire de la population le bouc émissaire des difficultés rencontrées et le bouc émissaire des mauvaises gouvernances. Donc, vous avez entendu, forcément, un certain nombre de chefs d'État, y compris en France, certains premiers ministres, dont je préfère ne pas rappeler le nom, expliquant que si telle ou telle de leurs politiques ne réussissait pas, c'était à cause de la natalité en France. Et ce discours, nous l'avons étendu aussi à l'étranger. Donc il est extrêmement dangereux de faire de la démographie le bouc émissaire des malheurs du monde, parce qu'en fait c'est une attitude qui ne conduit pas à mettre en place des politiques qui permettent de mieux davantage faire le bonheur de l'humanité. D'accord. Et puis ça décourage la citoyenneté, parce qu'effectivement, si on a une explication, une vulgate selon laquelle tous les malheurs qui arrivent aujourd'hui seraient à cause de la démographie, ça décourage de se mobiliser comme citoyen dans la vie de la cité. Donc vous avez répondu un peu à la dernière question que je comptais vous poser. C'est cette espèce d'impensé, d'angle mort de la démographie à gauche. Bon, ça s'explique aussi un peu par rapport à ce que vous venez de dire, quoi. Ben écoutez, alors angle mort, c'est vrai que la démographie, elle a toujours un problème de relation avec le politique pour une raison bien simple, c'est que la démographie, elle s'inscrit dans la longue durée et que le politique, ben il regarde la prochaine échéance électorale. Ouais. En prenant un exemple simple pour comprendre cette logique de longue durée, ben l'évolution de la population de la Chine. Donc tout le monde peut constater qu'en 2021 encore, la population de la Chine va augmenter. Mmh. Bon, et donc on se dit, mais il va augmenter, c'est terrible, il continue d'augmenter. Or, en réalité, il n'augmente que par effet de vitesse acquise. Et donc, par effet d'inertie, et on sait déjà que la population de la Chine va très probablement diminuer dès les années 2030. Donc, en fait, pour une raison bien simple, vous savez très bien que les enfants d'aujourd'hui, ben, ils vont entrer dans la population active dans 25 ans, et que malheureusement, pour un certain nombre d'hommes politiques qui n'ont pas assez le sens de la durée, c'est quelque chose d'assez négligeable de s'intéresser à ce qui peut se passer dans des pays dans 25 ans. Mais alors, est-ce que, elle a eu raison, est-ce que ça a eu un effet, sa politique d'enfant unique en Chine ? Alors, la politique d'enfant unique en Chine a eu un effet considérable parce qu'il y a eu aussi des effets secondaires auxquels la Chine n'avait pas pensé. En réalité, cette politique de l'enfant unique, je vais le dire très directement, elle était inutile. C'est-à-dire, elle était liée en fait à des dirigeants chinois, qui n'avaient pas compris les mécanismes démographiques et donc le mécanisme de la transition démographique. Et la politique de l'enfant unique, c'est en fait la conséquence du grand bond en avant. Vous rappelez peut-être donc ce fameux grand bond en avant, c'est-à-dire cette surcollectivisation qui avait été mise en place par Mao, en gros à la fin des années 1950, et qui s'est traduite par une surmortalité épouvantable en Chine, puisqu'on considère que la surmortalité en Chine liée au grand bond en avant est équivalente à ce qu'a représenté la surmortalité en France pour la guerre de 14-18. Quand, effectivement, donc Pékin est revenu sur une politique trop collectiviste qui avait entraîné une baisse considérable des productions agricoles, ça a été l'équivalent de la fin d'une guerre. Et donc, on a eu un retour des naissances très significatif. Les mariages ont pu à nouveau se faire, les couples ont pu se fonder. Et donc, à la fin des années 1970, eh bien, le gouvernement chinois s'est affolé en disant « Mais on va avoir là des générations en âge de féconder très nombreuses, ça va être la catastrophe. » Et ils ont donc décidé de mettre en place cette politique de l'enfant unique. Alors, qui a eu des effets, c'est-à-dire qui a certes engendré une baisse de la fécondité, mais de toute façon, la fécondité, elle était en train de baisser. Et donc, elle allait baisser. Simplement, elle a baissé plus qu'au rythme de la transition démographique et plus rapidement. Et ça a entraîné donc un certain nombre d'effets secondaires. Bon, il faut en citer un qui est tout à fait essentiel, qui a été le déficit de filles. Parce que à partir du moment où vous imposez l'enfant unique, eh bien, les familles réagissent par le choix du sexe de leur enfant unique. Et dans un pays comme la Chine, eh bien, comme sans doute dans d'autres pays d'ailleurs, il y a une préférence pour le garçon. Une préférence pour le garçon parce que la fille est considérée comme allant se marier avec un étranger, je mets ça entre guillemets, et donc quittant le domicile de ses parents. Et donc on a besoin du garçon pour ses vieux jours, du garçon pour honorer l'autel des ancêtres compte tenu de la spiritualité chinoise. Et donc va se mettre en place un mécanisme selon lequel les familles vont tout faire pour que cet enfant unique soit un garçon. Et donc, dans un premier temps, l'organisation de la réponse à ce souhait est assez barbare, hein, puisque dans un premier temps, ce sont les familles qui font bouillir une bassine d'eau, et si le bébé n'est pas du sexe souhaité, on le plonge dans la bassine d'eau. Heureusement, dans un certain sens, ensuite, on va avoir le développement des échographies, l'échographie qui donc donne le sexe de l'enfant et qui va conduire à l'avortement ou non selon le sexe en question. Et donc on va avoir des générations en Chine où il y a 120 garçons pour 100 filles. Et donc un déséquilibre des sexes qui pose énormément de problèmes à ce pays, et puis surtout un vieillissement accéléré, puisque la politique de l'enfant unique a accéléré le vieillissement de la population, avec des résultats aussi d'inégalités considérables à l'intérieur du pays, avec les garçons riches ou de régions riches qui vont acheter des filles dans les régions les plus pauvres, et une détérioration aussi des relations diplomatiques entre la Chine et le Vietnam, parce que les Chinois vont acheter des Vietnamiennes dans des familles pauvres du Vietnam, ce que le Vietnam n'apprécie pas. Oui, alors on est vraiment dans une situation où, dans la transition démographique de la Chine, on a bien une diminution de la mortalité, mais on a une natalité, une baisse de natalité provoquée, en fait. Alors, elle est surprovoquée. Elle avait commencé avant les décisions, et de toute façon, la transition démographique, elle est avancée en Chine. La preuve, c'est que, si vous voulez, dans les autres pays asiatiques qui n'ont pas mis une politique de l'enfant unique, la transition démographique s'est faite également. Simplement, en Chine, ils ont accentué l'intensité à la baisse de la fécondité, et c'est l'une des raisons aujourd'hui d'un survieillissement de ce pays. Mais alors, en fait, les politiques natalistes n'ont jamais d'effet complètement convaincant. Ah ben si, parce que quand même, la fécondité en Chine n'aurait pas baissé aussi rapidement et aussi intensément s'il n'y avait pas eu la politique de l'enfant unique. Oui, mais en cela, les conséquences finales, c'est pas exactement ce qui était prévu. Absolument, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à mon sens, on avait des dirigeants chinois qui ne connaissaient pas les logiques démographiques, et qui ne s'étaient pas formés à la compréhension des réalités démographiques. Alors, permettez-moi de vous poser une question qu'on aurait dû poser tout au début. On dit 8 milliards d'habitants de la Terre, mais qui compte et comment ? Alors, évidemment, ce 8 milliards, c'est évidemment une estimation. Pour une raison bien simple, c'est que d'abord, pour pouvoir compter une population, eh bien, il faut qu'un pays fasse des recensements. Or, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de recensement, plus des pays où il n'y a plus de recensement depuis très très longtemps. Hein. Et donc, on travaille forcément sur des estimations, et même les recensements de population ne sont pas parfaits, et les estimations sont forcément imparfaites. Ben, le cas le plus singulier avait été celui du Nigeria, qui, au début des années 90, on avait considéré qu'il avait 125 millions d'habitants. Et on a fait un recensement qui a été très très bien organisé, contrôlé par les organisations internationales, etc. Et en fait, on lui a trouvé 34 millions d'habitants de moins que ce que l'estimation donnait. Et l'estimation, elle était aussi validée par les dirigeants politiques, parce que les dirigeants politiques, pour obtenir des subventions internationales, ont intérêt à gonfler le chiffre de leur population. Bien sûr. Donc il faut bien préciser, effectivement, que même en France, le recensement n'est pas parfait. Hein. J'ai publié un certain nombre de travaux le montrant. Et surtout, la réforme qui a été faite en France au début des années 2000, de réforme du recensement, rend le recensement beaucoup moins fiable que le recensement précédent. Mais enfin, je ne vais pas entrer dans ces éléments techniques. Donc vous imaginez, bon, par exemple, un pays comme le Liban, le dernier recensement date de 1932. Donc, bien entendu, la population du Liban, elle fait l'objet d'évaluations. Ces évaluations sont faites aussi bien que possible, mais ce ne sont que des évaluations. Il faut savoir, par exemple, sur la natalité, ben, malheureusement, aujourd'hui encore dans le monde, vous avez à peu près le quart des naissances qui ne font pas l'objet d'une déclaration à l'état civil. Parce que, soit malheureusement, il y a des pays qui sont en guerre ou en conflit civil, donc le système administratif est désorganisé. Dans d'autres pays, ben, la corruption est telle que si les parents veulent déclarer leur enfant à l'état civil, ils sont obligés de servir un bakchich à l'administration. Et donc le résultat, c'est que vous voyez que la natalité dans de très nombreux pays, là aussi, elle fait l'objet d'estimations. Entendu. Et oui, alors justement, on a parlé de la Chine. En fait, une bonne partie de la planète est en transition démographique, en fait. La deuxième étape, comme vous dites. Oui, alors en réalité, vous avez tout à fait raison. Si on essaie de faire un peu une typologie des évolutions démographiques dans le monde, hein, nous avons premièrement donc des pays qui sont en train d'avancer dans la deuxième étape de la transition démographique. Bon, pour simplifier, c'est essentiellement l'Afrique subsaharienne. Voilà. Deuxièmement, donc, nous avons des pays qui ont terminé la transition démographique, mais qui ont des taux de croissance démographique assez significatifs. On peut citer Israël, on peut citer les États-Unis, même si ça a un peu baissé ces dernières années. Ensuite, vous avez des pays qui ont encore une croissance démographique, mais par effet d'inertie, c'est-à-dire qu'il est assez probable que dans les prochaines années, le nombre de leurs décès devienne supérieur à celui des naissances. Bon, c'est le cas de la Chine, c'est le cas de certains pays européens. Et enfin, vous avez des pays qui sont en dépeuplement, c'est-à-dire dont la population diminue, notamment parce que le nombre de décès y est plus élevé que celui des naissances. Vous avez une vingtaine de pays dans ce cas-là, comme le Japon, l'Allemagne, la Roumanie, la Pologne. Donc vous voyez que c'est la raison pour laquelle dans mon livre sur la géographie des populations, bon, le titre n'est pas très, très gai, j'avais envie de l'appeler un monde fragmenté, c'est-à-dire quand vous étudiez la réalité démographique du monde, elle est extrêmement fragmentée. Entendu. On va passer à un troisième sujet, peut-être, sur la population mondiale et la répartition des ressources sous contrainte que vous avez déjà évoquée, d'ailleurs. La démographie, dit Jacques Véron, qui vous connaissez sûrement, bien sûr, directeur de l'INAT, dit est un multiplicateur de problèmes écologiques. Et effectivement, on peut constater que la pollution, l'épuisement des ressources fait considérer que, par endroits, des problèmes d'inadéquation entre la population et les ressources disponibles. Alors là, vous êtes effectivement dans, la nouvelle idéologie dominante. Merci. qui considère effectivement que l'homme est un obstacle à une bonne situation de l'environnement et au développement durable, et donc chaque humain supplémentaire serait par nature dommageable justement à la nature. Alors quelle est la réalité si l'on l'analyse de plus près? D'abord, il faut préciser que les atteintes au développement durable, que l'on peut mesurer à travers les émissions de CO2 par habitant, sont extrêmement différentes selon les pays. Donc cela veut dire clairement que ce n'est pas l'effectif de la population qui est responsable des émissions de CO2, ce sont les politiques publiques dans les pays qui font que les émissions de CO2 sont plus ou moins importantes. Et donc les différences sont absolument considérables entre des pays effectivement très pollueurs, hein, comme les États-Unis, comme les Émirats arabes unis, par exemple, et d'autres pays qui le sont beaucoup moins parce qu'ils ont mis en place un certain nombre de mesures qui limitent les émissions de CO2. Je vais vous donner un exemple que je trouve qui est toujours très intéressant, qui est celui de la Suisse. La Suisse, au début des années 90, par une votation, décide de créer des taxes sur les poids lourds pour diminuer considérablement la circulation des poids lourds et utilise ces taxes pour investir massivement dans le fret ferroviaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand la Suisse réalise cette votation au début des années 90, le ministre français de l'équipement explique que les Suisses sont complètement ringards et complètement en retard sur les réalités. Alors que vous voyez qu'ils étaient en fait en avance, c'est-à-dire qu'ils mettaient en place une politique qui allait considérablement réduire les émissions de CO2 dans un pays dont la densité de population est extrêmement élevée. Et encore, la densité de population de la Suisse, il faudrait la calculer sans tenir compte de toutes les parties du territoire de ce pays alpin qui sont au-delà de 2000 mètres d'altitude et où il est quand même un peu difficile d'habiter. Donc ça, c'est un premier élément, c'est qu'il n'y a pas de réalité mondiale en la matière, il n'y a que des réalités locales. Ceci est bien mis en évidence aussi en Chine, même si en moyenne l'espérance de vie a augmenté en Chine. Il faut préciser que l'espérance de vie baisse en Chine dans certains territoires, parce que dans certains territoires, les niveaux de pollution sont extrêmement élevés, compte tenu de l'exploitation, du mode d'exploitation des ressources qui est fait. Donc vous avez même des territoires en Chine où la mortalité infantile remonte compte tenu des niveaux de pollution en raison de mauvaises politiques choisies. Une question de René qui vient d'arriver. Bonjour, monsieur le professeur. Excusez-moi, il y a quand même la question de l'épuisement des ressources qui se pose de manière, j'irais, globale, parce que les terres arables, l'eau, les ressources énergétiques et minérales qu'il faut aller chercher de plus en plus loin et qui sont de plus en plus difficile à extraire et de moins en moins rentable. On sait que pour les gisements de pétrole, par exemple, depuis les années 90, ce qu'on découvre sont de plus en plus petits et ne couvrent plus en fait la consommation annuelle. Alors écoutez, René, c'est merveilleux parce que je comptais justement évoquer maintenant la question des ressources. Donc votre question vient vraiment au bon moment. C'est-à-dire, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que c'est une ressource. Une ressource, elle n'existe qu'à partir du moment où une population est parvenue à utiliser ce qui existe pour son bien commun. Donc, autrement dit, si aujourd'hui, je vais prendre un exemple français, aujourd'hui, les landes sont une forêt qui sert au bien commun des populations par l'industrie du bois, mais aussi au point de vue évidemment de la qualité environnementale. Bon, avant cette forêt, c'est un territoire qui n'était pas une ressource puisque c'était un immense marécage. On peut dire la même chose, si vous voulez, quand vous vous promenez, en bateau d'ailleurs, dans le marais breton ou dans le marais poitevin, vous avez l'impression d'avoir la chance de vous promener dans un paysage bucolique qui a été créé par la nature. Ben non, il n'a pas été créé par la nature. Ce que la nature avait laissé sur ce paysage, c'était en fait des marais infestés de moustiques. Et en fait, ce sont les travaux humains du Moyen-Âge qui ont mis dans l'état actuel le marais Poitevin. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si le marais Poitevin est dans l'état actuel, c'est parce que depuis des siècles, l'homme l'a entretenu. Parce que si l'homme ne l'avait pas entretenu, il serait pas dans l'état actuel. On peut dire la même chose de la Bourgogne, qui était une terre infestée de moustiques, et où les gens n'allaient pas habiter. Pour prendre un autre exemple à l'étranger, qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle en Algérie la plaine de la Mitidja, qui est une plaine extrêmement fertile, comme chacun sait? Eh bien, en fait, là aussi, la Mitidja, avant, c'était un lieu totalement inhabité, parce que c'était une terre marécageuse infestée de moustiques. Donc en fait, si vous voulez, une ressource pour le bien commun n'existe pour le bien commun de l'humanité qu'à partir du moment où l'humanité a participé à en faire un bien commun et l'a entretenue pour qu'elle soit un bien commun. Et donc ça veut dire que au fil des progrès, effectivement, soit on est capable de faire en sorte qu'on a une un rapport intelligent avec ce que nous donne la nature, soit on n'a pas un rapport intelligent avec elle. Donc un rapport intelligent avec elle, ça veut dire par exemple le fait qu'on a su multiplier des espèces d'élevage pour satisfaire aux besoins des populations et donc du coup diversifier l'alimentation. Alors vous avez évoqué, parce qu'on pourrait les prendre un par un, les questions que vous avez évoquées. Bon, le pétrole, alors c'est un cas très intéressant, le pétrole, parce qu'en réalité, avant 1859, le pétrole, c'est pas une ressource. Tout simplement parce que personne ne va chercher du pétrole. Donc il ne devient une ressource qu'en 1859, et c'est dès la fin du 19e siècle qu'on annonce une pénurie de pétrole. Vous savez que malheureusement, je dis bien moi malheureusement, hein, ce n'est pas le cas. Et malgré ce que vous dites, en réalité, il y a des potentiels de pétrole tout à fait considérables. Je n'ai pas besoin de vous rappeler tous les hydrocarbures qu'on a découverts il y a assez peu de temps au large du Brésil. Tous les hydrocarbures qu'on vient de découvrir au large du Sénégal et de la Mauritanie, qui fait que le Sénégal et la Mauritanie vont devenir des pays producteurs d'hydrocarbures. Alors, on peut souhaiter que ce ne soit pas le cas. Hein, ça, c'est oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce raisonnement. Hein, mais je suis bien obligé de constater. Dans la dispute géopolitique que nous avons dans le canal du Mozambique, entre Mayotte, les Comores, Madagascar, etc., on sait qu'il y a probablement le fait qu'il y a des hydrocarbures dans le canal du Mozambique, mais qui, pour des raisons géopolitiques, donnent lieu aujourd'hui à un conflit. Et bien entendu, les grandes entreprises qui s'occupent de ces questions-là ne veulent pas prendre de risques géopolitiques. Alors, concernant, vous avez évoqué aussi la question de l'eau. Excusez-moi, on va devoir s'arrêter là. Ah oui, excusez-moi, oui, je suis désolé. Alors, l'eau, pour terminer quand même, parce que c'est quelque chose qui nous intéresse. Bah, l'eau, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une ressource renouvelable. Et alors, qui crée évidemment des tensions géopolitiques, tout simplement parce que il y a des frontières étatiques qui font que certains territoires sont dépendants pour leur approvisionnement en eau d'autres territoires. Vous parlez du Moyen-Orient, là, j'imagine. Oh, c'est vrai au Moyen-Orient, c'est vrai tout simplement en Espagne. Hein. Ouais, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Donc c'est vrai sur beaucoup de territoires. Et donc tout ceci dans l'histoire, ça a toujours créé des tensions importantes. Ce que l'on constate quand même, je dis bien en moyenne, c'est que la question de l'eau a plutôt donné lieu en fait à des accords internationaux qu'à des désaccords internationaux. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où les pays se rendent compte que les bassins d'eau, il faut plutôt essayer de trouver une formule pour les partager, et même si parfois, je le sais bien, hein, il y a des tensions avant d'arriver à un partage significatif. Mais dans la mesure où de très nombreux cours d'eau sont de nature internationale, eh bien, on a beaucoup plus d'accords internationaux pour le partage des eaux, sachant que, je le rappelle, hein, l'eau est une ressource renouvelable. Hein, c'est cet élément qui est tout à fait essentiel à se rappeler. Donc, on ne peut pas comparer l'eau à la question du pétrole. Entendu. Et sur cette, on va terminer là-dessus, Monsieur Dumont, professeur Dumont. Merci beaucoup de la clarté de vos exposés. On a vraiment l'impression, enfin j'espère le sentiment plus que ça, d'avoir avancé dans notre compréhension des phénomènes démographiques. Je vous souhaite une excellente week-end. Bien, merci et merci de votre accueil et bonne suite de programme. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. On peut les noyer, on peut les étouffer, on peut les brûler, on peut les congeler. Le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait. avec une aiguille à tricoter. On peut les jeter contre un mur, on peut les mettre aux ordures, mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive la fellation, vive la sodomie, mesdames la ménopause, à ses bons côtés aussi. Il y en a qui les vantent, qui les envoient en Thaïlande, mais même sans chercher si loin, en Belgique ils font ça très bien. On peut les empailler comme déco pour la cheminée. On peut les dépecer pour sauver les grands brûlés. Mais le meilleur moyen de les éviter, c'est de s'en protéger. Vive les capotes, vive les stérilets, vive la pilule du lendemain, vive la méthode du retrait, vive la fellation, vive la sodomie, mesdames la ménopause, à ses bons côtés aussi. Et donc, j'ai pas pu vous empêcher de repasser Guédré, Ode à la contraception. Voilà, c'est une chanson pleine de conseils biologiques tout à fait utiles. Voilà, justement sur la démographie, en effet, le rôle des femmes dans la démographie, on aurait pu en parler avec la professeure Dumont, mais ça nous a échappé. René, tu vas nous attaquer, c'est normal, à l'attaque, les activités d'attaque en fait. Oui, alors déjà au plan national, du 13 au 20 mars, semaine de mobilisation générale pour nos libertés. Après que la proposition de loi Sécurité globale a été adoptée le 24 novembre dernier par l'Assemblée nationale, le texte est arrivé en commission de loi au Sénat mercredi 3 mars 2021. Les sénateurs ont une responsabilité déterminante, montrer qu'au-delà des calculs politiciens et de la surenchère sécuritaire, ils restent attachés aux libertés publiques inscrites dans la Constitution et aux droits humains internationalement reconnus. La coordination nationale hashtag stop loi sécurité globale, dont fait partie ATTAC bien sûr, a appelé les défenseurs des libertés publiques à se mobiliser avec force durant cette semaine du 13 au 20 mars. Alors déjà à Paris, le mardi 16 mars, il y a eu l'occupation de la place de la République et jeudi 18 mars, une exposition sauvage montrait ces images qu'ils ne veulent plus voir, dévoilant des photographies de violences policières et qui s'est tenue à proximité du Sénat. Eh oui, 450 organisations lancent la coalition Stop Union Européenne-Mercosur. Lundi 15 mars, plus de 450 organisations de la société civile des deux côtés de l'Atlantique, c'est vraiment quelque chose d'international, dont une cinquantaine en France, dont ATTAC évidemment, rendent public par une déclaration commune et une vidéo une coalition transatlantique contre l'accord de libéralisation du commerce Union Européenne-Mercosur. Alors que la Commission européenne se démène pour sauver ce projet d'accord, cette coalition vise à renforcer la mobilisation citoyenne contre ce projet en regroupant sur un même site internet stop-eu-mercosur.org, stop-eu-mercosur.org, les ressources disponibles, les pétitions et initiatives en cours. Le collectif Stop CETA Mercosur, évidemment à la manœuvre, pour appeler à renforcer la mobilisation contre ce projet d'accord, notamment en invitant les collectivités territoriales à s'engager comme ça a déjà été fait par le passé. Alors, un communiqué, refusons l'instrumentalisation de la dette pour imposer de nouvelles politiques d'austérité. La Commission sur l'avenir des finances publiques, présidée par Jean Arthuis, vient de rendre son rapport. Alors, sans surprise, il ressasse les vieilles rengaines libérales et vise à préparer l'opinion publique à une future politique d'austérité, pour changer. Présenté dans la presse comme censé faire de la pédagogie, la commission Arthuis mène en réalité un véritable travail d'enfumage de l'opinion. Face aux propositions de la commission Arthuis, attaque, rejette la logique néolibérale de cette remise en ordre qui entraînera un retour à l'austérité budgétaire dont la crise sanitaire a démontré les effets tragiques, notamment pour l'hôpital, affirme son refus de voir la dette publique instrumentalisée pour imposer une nouvelle cure d'austérité, considère que l'objectif doit être de réduire l'emprise des marchés financiers sur les politiques publiques par un audit citoyen sur la dette, une restructuration et une annulation partielle de la dette détenue par la Banque Centrale Européenne en fonction d'objectifs écologiques, le financement monétaire des dépenses publiques prioritaires et la réduction de la dette détenue par les créanciers étrangers. Et propose également de remplacer l'injuste CRDS par un CRDC, contribution au remboursement de la dette Covid, payée par les plus riches et les grandes entreprises. Au plan local, maintenant, il s'agit d'agir contre la réintoxication du monde. Le 17 avril, pour rappel, les trois comités locaux attaques de la métropole, signataires de l'appel avec Parc Saint-Sauveur et Fête la Friche, projettent un rassemblement contre les grands projets inutiles et imposés, l'artificialisation des sols et l'agro-industrie dans le département du Nord. Ce 17 avril étant également la journée internationale des luttes paysannes, notre action concernerait à la fois les luttes urbaines et les luttes rurales. Nous avons déjà dressé un tableau des grands projets industriels, des grands projets inutiles et imposés du Nord, grâce à l'excellente revue Reporter, dont Florent nous a bien rappelé que Reporter, c'est TE2RE à la fin, notamment les nombreux ouvrages d'élevage intensif qui sont incroyablement nombreux au nord dans les Flandres françaises. Et pris contact avec les collectifs locaux, nous avons pris contact avec les collectifs locaux opposés à ce projet. Nous participons également aux réunions de coordination nationale du 17 avril. Alors, Parc et Fête la Friche, cet après-midi à 15h, organise une réunion sur le Belvédère pour faire le point sur la lutte menée et réfléchir aux actions futures. Bien, et NADA, donc, NADA, c'est non à l'agrandissement de l'aéroport de l'île Léquin. Attaque l'île, les membres de NADA, donc c'est fait partie des grands projets inutile et imposé, et qui vient de se créer et pour s'opposer à l'extension de l'aéroport, évidemment. L'Assemblée constitutive s'est tenue le 16 mars, et donc il y a un conseil d'administration, et les statuts sont déposés, certainement maintenant, en préfecture. La gratuité des transports publics. Alors, reprise de l'action entamée depuis l'année dernière, qui avait été interrompue suite au confinement. Et cette fois, c'est en partenariat avec les comités de quartier de justice et de Moulin-Potainerie à Roubaix. Alors, pétition, enquête sur la mobilité auprès des habitants, participation également à la vidéo-réunion du collectif national transport gratuit. D'accord, eh bien, il y a une manifestation pour le printemps des libertés et des solidarités cet après-midi à 14h. À la porte de Paris. Oui, pour le rendez-vous. Et enfin, Un mot pour terminer. Hier soir, c'était la cérémonie des Doigts d'Or. Et c'est avec ravissement qu'on a vu que Patrick Balkany et Léa Salamé étaient nommés les lauréats du Doigt d'Or. Florent. Non, je n'ai rien ajouté. Ben, on a terminé. Autre chose, René, on a encore une minute. Les marches climat. Donc, hier vendredi, il y a eu la marche organisée par Youth for Climate, l'UNEF Tourcoing et l'association Le Caribou, qui regroupait essentiellement donc, lycéens et étudiants. Et samedi 28 mars, ce sera une marche pour une vraie loi climat. Pour l'instant, je n'en sais pas plus, mais il y aura certainement quelque chose à Lille. Hein. Bien, et bien, nous terminons cette émission avec un air de musique. Oui, le dernier humain de la Belle Bleue. Bien. Prenez soin de vous, bon week-end, et ensoleillé et covidé. Je les ai vus abattre le dernier arbre, couler la dernière plage d'un béton sanguinaire. Les glaciers ont fondu, bouffant nos vierges terres. Les guerres ont répandu leur gaz mercenaire. Mon fils n'a qu'un poumon. Le tien s'en fout, il dirige la terre des pieds.